Lisette, dépitée, va faire part de son échec auprès d'Arlequin, au prince et à Flaminia. Celle-ci se fait forte de séduire elle-même Arlequin, mais elle demande au prince que les deux villageois se rencontrent. Flaminia assiste aux retrouvailles émues de Sylvia et d'Arlequin et gagne leur sympathie en évoquant un prétendu amant, hélas disparu, mais qui ressemble fort à Arlequin. Puis elle convainc Arlequin d'aller dîner, tandis qu'elle-même va s'entretenir avec Sylvia.